Just a dreamer, t'es qu'un rêveur. Just a dreamer, t'es qu'un penseur qui vient d'ailleurs. Tu fais tout pour rester sur terre, mais ça ne fait rien pour te plaire. Qui vient d'ailleurs. Tu t'es durci comme de la pierre, et comme elle t'y parent.